seul à t'aimer par-delà les frontières du rien, d'un amour plus puissant que ton orgueil dissolu. Cette certitude, hélas, ne t'effleura. Ton cœur pour le mien ne fut que faiblesse. Méprisé, j'ai combattu pour qui m'ignora. Toi, tu n'as vu jamais l'amour qui te blesse. Cet amour désuni, tourmente inapaisée, éclaire la douleur de notre terre vaine. Vallée de pleurs où l'on cherche un cœur glacé, tandis qu'on fuit les bras qui nous tendent. Soirs ardents qui nous aiment au-delà des murs du cimetière, à qui l'on fait porter nos chagrins mordants comme des enfants cruels blessants. Des enfants cruels blessant leurs parents.